Les membres de la délégation du service de l'information de Corée sous l'égide de la Sonyun, Association générale des Coréens résidents au Japon, conduite par son directeur Choi Hong, ont déposé le 2 courant un bouquet de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigés sur la colline Mansu avant de rendre hommage. Ils sont arrivés à la patrie pour participer aux célébrations du 70e anniversaire de la fondation de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Par ailleurs, le même jour, la troupe artistique des enfants coréens au Japon, conduite par le chef adjoint de département du présidium du comité central de la Sonyun, Oh Heng-do, s'est rendue devant les statues des grands leaders pour exprimer l'hommage sublime.